matière sensible, la fiction. Aujourd'hui, Marguerite Duras et le Goncourt, une histoire en deux temps. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Benoît Patricot et réalisée par Sophie Haute-Picon. Marguerite Donadieu, dite Duras, est née le 4 avril 1914 en Indochine où ses parents sont enseignants. Elle a deux grands frères, Pierre, 5 ans, qui restera toujours le préféré de la mère, et Paul, 2 ans, celui que Marguerite appellera le petit frère. La famille a pu croire quelque temps au mirage de la vie coloniale, belle maison de fonction, belle situation. Mais malade, le père est rapatrié en urgence en France où il meurt, seul. La mère de Marguerite est envoyée comme simple institutrice dans un village du delta du Mékong. Pour la famille, c'est le début de la misère. Après les études à Paris, elle entre dans la résistance en 1943, pendant la guerre. En 1945, elle s'inscrit au Parti communiste, dont elle était exclue 10 ans plus tard. Marguerite Duras publie son premier roman, Les Impudents, en 1943. C'est le début d'une œuvre de fiction importante, avec des romans comme Un barrage contre le Pacifique, Le marin de Gibraltar, Moderato Contabile, Le ravissement de l'Holvestein, Le vice-consul, mais c'est bien sûr son roman L'amant qui obtient le prix Goncourt en 1984 et apporte la célébrité à Marguerite Duras. À une question posée en 1990 dans le magazine littéraire par Aliette Armel, c'est quoi du Duras? Elle répond: c'est laisser le mot venir quand il vient, l'attraper comme il vient, à sa place de départ ou ailleurs, quand il passe. Et vite, très vite écrire, qu'on n'oublie pas comment c'est arrivé vers soi. J'ai appelé ça littérature d'urgence. Je continue à avancer, je ne trahis pas l'ordre naturel de la phrase. C'est peut-être ça le plus difficile, oui, de se laisser faire, laisser souffler le vent du livre. Et ils sont rares, les livres capables de déclencher des passions extrêmes. L'œuvre de Marguerite Duras aura de tout temps inspiré les réactions d'admiration ou de haine les plus vives. Certains critiques la portent au nu, alors que d'autres ne cessent de railler la petite musique durassienne, ses répétitions, ses chamboulements dans l'ordre des mots, ses points ouvrant sur des espaces vides. Et tout cela, pas seulement dans le domaine de la littérature, non, idem pour son théâtre et son cinéma. Avec 2 500 000 exemplaires de L'Amant écoulés et des traductions en 35 langues, Marguerite Duras est devenue l'auteure française la plus lue au monde. L'Amant n'est-il pas le sésame qui permet d'entrer dans l'œuvre de Marguerite Duras et d'en découvrir toute la richesse? Et puis, quel plus beau symbole que d'offrir le prix littéraire le plus prestigieux, mais aussi le plus populaire, à celle qui écrivait? L'écrit, ça passe comme rien d'autre ne passe dans la vie, rien de plus, sauf elle, la vie. Pour nous accompagner dans la découverte de l'univers de Marguerite Duras, nous recevrons en deuxième partie d'émission Laure Adler, auteure d'une très belle biographie de Marguerite Duras chez Gallimard, pour laquelle elle a obtenu le prix Femina de l'essai. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Marguerite Duras et le Goncourt, une histoire en deux temps, de Jean-Benoît Patricot. Allô? Allô, Marguerite, c'est votre éditeur favori. Bonjour, Jérôme. Vous allez bien? Comme un jour de novembre. Je me demandais si vous n'aviez pas changé d'avis. Non, je reste à Trouville. Je ne reviendrai pas à Paris. Vous auriez le temps. Le lauréat du Goncourt n'est proclamé qu'à 13h. Et je ferai quoi dans vos bureaux? Eh bien, nous attendrions les résultats ensemble. Et si je l'ai? Je vais être mitraillée par les photographes à en perdre la vue. Non, merci. Nous contrôlerons la situation. Vous parlez? Une horde de photographes qui veulent des clichés de Duras et son Goncourt, et vous voulez les maîtriser? Vous ne savez pas de quoi ils sont capables, puis... Quoi donc? Si je ne l'ai pas, ils seront encore plus heureux d'immortaliser ma prétendue déception. Vous viendrez, s'il vous le donne. On verra. À plus tard. En vivant avec sa mère et ses deux frères dans la baie du Mékong, Marguerite se retrouve plongée dans une nature luxuriante et se met à vivre comme une petite indigène. Sa mère, quant à elle, ne se résout pas à être reléguée au dernier rang de la société blanche. Elle veut faire fortune. Pour cela, elle harcèle les agents coloniaux qui distribuent les concessions au bord du Pacifique. Elle s'imagine déjà riche propriétaire. Mais son rêve vire au cauchemar. Les 300 hectares de terre qui lui ont été attribués sont inondables. et chaque récolte de riz est dévastée par les vagues. Elle ignorait qu'il fallait verser des pots de vin pour obtenir des terres nobles. La fin de ses économies est emportée par le projet insensé de contenir la mer avec des barrages faits de sacs de sable et de rondins. Ruinée, elle n'est plus que le fantôme d'elle-même. Marguerite, qui a 15 ans, est envoyée au lycée à Saïgon. C'est là que son chemin croise celui d'un jeune homme de 27 ans, un Chinois, fils d'un homme immensément riche. La mère encourage cette relation, d'autant que le Chinois participe financièrement à la vie de la famille. Marguerite ramène l'argent de son amant à la maison et récolte en échange les coups de sa mère dépressive et de son frère aîné. L'idéal serait le mariage. La mère est prête à s'y résoudre, malgré la mésalliance que cela représente, mais le père du Chinois, lui, s'y oppose. La rupture, moyennant finances, est inévitable. Toute la communauté de Saïgon étant au courant du scandale, Marguerite doit quitter l'Indochine pour la France. C'est l'histoire de cette liaison que Marguerite Duras racontera une première fois dans un barrage contre le Pacifique, puis, 35 ans plus tard, dans l'Amant. Oui, allô? C'est encore moi, Marguerite. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez inquiété en raccrochant sur « on verra ». Vous n'allez quand même pas refuser le concours? Proust l'a eu, alors. Vous êtes seule, là? Yann est sorti faire des courses. Vous écrivez? Non. Je rêvassais en regardant la pluie creuser le sable sur la plage. Et puisque vous m'y obligez, je repensais à la genèse de l'amant. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Mon tout premier souvenir. C'est une discussion avec Madame Renaud pendant les répétitions de ma pièce. Des journées entières dans les arbres. Elle était magnifique dans ce rôle. Oui, je sais. Elle emportait tout, même l'auteur. Je vous rappelle dès que j'ai du nouveau. Oui, laissez-moi avec Madeleine. Et mes rêveries. Est-ce qu'elle est prête? Il faut commencer cette répétition. Madeleine, tu es là? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? On peut mettre de la lumière sur le plateau? Pourquoi on ne commence pas? Je veux voir le costume de Madeleine. Madeleine? Oui, j'arrive. Ah, pas trop tôt. Tu es où? Je veux rentrer sur ma première réplique. Comme tu veux. C'est moi qui te répondrai. Ton partenaire n'est pas encore arrivé. Tu as la valise. Si on file en costume, on file avec les accessoires. Oui, j'ai la valise. Mais c'est pas le fils qui devrait la porter? Oui, tu as raison. Vous arrivez de l'aéroport, ton fils t'ouvre la porte de son appartement et te laisse passer en premier. On y va? Et ma lumière? Ah, merci. Tu ne me reconnais pas? Ça va revenir. Des ans sans se voir, c'est long. J'aurais dû t'envoyer des photos, mais on n'y pense pas. Tu sais ce que c'est. Marguerite! Marguerite, tu ne veux pas me donner la réplique? J'enfile mon texte toute seule, là! Marguerite! Oh, Marguerite! Qu'est-ce que... Est-ce que quelqu'un peut apporter un verre d'eau? Marguerite ne se sent pas bien. Non, non, non, c'est rien. Je... Ça va, mon petit, tu es toute pâle. C'est le choc. Le choc? Oui, de te voir comme ça, avec ce manteau noir, ces chaussures plates, même les bas de coton rapiécés. Tu as retenu tout ce que je t'ai dit sur ma mère? Bien sûr, je suis sérieuse, moi. Quand je suis allée voir Saint-Laurent pour le costume, je voulais avoir des choses justes à lui dire. C'est pour ça que je suis venue t'interroger et voir les photos chez toi. Mais quand même, à ce point-là, c'est incroyable. J'ai cru que c'était ma mère qui entrait. Tout, la démarche, la façon de se tenir et cet improbable galurin, c'est tout elle. C'est bien si j'ai attrapé le truc. Tu as fait plus que cela, Madeleine. Oh, excuse-moi, je vais reprendre mes esprits, c'est juste que... J'ai réveillé les fantômes? Un peu. Le pire, c'est ton regard. Le même, vraiment. Cette violence, cette dureté... Et puis ta façon d'ouvrir tes mains, c'est aussi toute sa générosité. Comme tu as dû l'aimer. Aimer et détester. On ne comptait pas pour elle. mon petit frère et moi. Il n'y en avait que pour l'aîné, le fils, son fils. Qu'il soit voleur, drogué, peu lui importait, elle lui pardonnait, tout. Son désir de faire fortune, c'était pour lui. Elle savait qu'il ne ferait rien de sa vie. Elle en était même satisfaite. Il aurait besoin d'elle, toujours. Mais enfin, toi, sa fille... Tu sais comment elle m'appelait ? Non. Ma petite misère. Mais c'est terrible d'appeler son enfant comme ça. Tu trouves ? Moi, j'aimais bien. Ce que je comprends pas, ce sont ses bijoux, ces 17 bracelets en or que tu lui fais porter dans cette pièce. Vous étiez pauvre, pourtant. Et même dans l'indigence la plus totale. Mais cette période de rien, c'est celle que je raconte dans un barrage contre le Pacifique. Après, elle a fait fortune en ouvrant une école pour enfants de riches. Moi, j'étais à Paris pour mes études. Elle m'envoyait assez d'argent pour vivre bien. Argent que mon frère aîné venait me voler régulièrement pour aller le perdre au jeu. Elle te manquait ? Les deux premières années, je pleurais, chaque jour. Comme une enfant en manque de sa mère. De grosses larmes, de gros sanglots. Et puis ? Ce qui m'a sauvée de cet amour paralysant, ce qui m'a aidée à effacer la honte. C'est une force que j'avais en moi. Une force qui me poussait à aimer l'amour et être infidèle. On ne pouvait pas me retenir. Je n'étais avec mes amants que pour ça, pour le plaisir de l'amour. Et puis j'ai rencontré mon mari. Tu sais que c'est moi qui l'ai demandé en mariage. Toi ? Il était sous les drapeaux en 39. J'ai envoyé un télégramme. Je veux t'épouser, Marguerite. Il a eu une permission de 24 heures. On s'est mariés. Le soir même, il repartait. On ne s'est revus qu'un an après. Tu te sens comment ? Mieux. C'est étrange, cette impression de parler à ma mère. Tu as pu lui dire ce que tu ressentais pour elle ? Lui dire quoi ? Des reproches ? Pour s'être fait berner, voler ? Nous avoir laissé cette liberté totale à mon petit frère et moi ? Ça a été ma chance. Cette enfance indochinoise au lieu d'être une enfant blanche et avoir la nostalgie de la colonie. Elle a lu mon livre. Tout était dit. C'était si autobiographique ? J'ai pris des libertés, mais c'est quand même le privilège de l'écriture. Comme quoi ? Ce monsieur Jo, avec qui la petite a une histoire. Eh bien ? Je raconte que c'était un blanc. En fait, c'est un chinois. Oh ! Tu t'imagines ? Le scandale ? Une petite blanche de 15 ans et un chinois plus âgé qu'elle. Ta mère a laissé faire ? L'argent. Il me donnait de l'argent. Il en fallait pour nous nourrir, pour payer les fumeries d'opium de l'aîné. Alors, elle ne disait rien. C'est ça, la honte dont tu parlais ? Oui, tout peut s'oublier. La douleur de l'accouchement, les grandes joies, tous les sentiments peuvent être lissés par le temps. Il n'y en a qu'un qui perdure, c'est la honte. Mais la honte de quoi ? Le plaisir avec le chinois. Ma mère ne l'a jamais su, ou n'a jamais voulu le savoir. Mais oui, il y avait le plaisir avec le chinois. Il faudrait raconter cette histoire-là. Un jour. Mais ce ne sera pas volontaire. Un jour, ma main prendra le stylo et le laissera courir sur la feuille. Un jour, je raconterai l'histoire de la petite et du chinois. Allô ? Marguerite ? Oui ? Jérôme ? Je voulais vous tenir au courant. De quoi ? Il est à peine midi. C'est que j'ai des nouvelles, indirectement. Mais pourquoi chuchotez-vous ? J'ai... comment dirais-je, une sorte d'espion dans la place. Ne me dites pas qu'un membre du jury se lève pour faire semblant d'aller aux toilettes et vient vous téléphoner. Eh bien, c'est que... C'est quand même pas le prix Nobel. Et puis le Goncourt, il y a 30 ans que j'aurais dû l'avoir. Pour un barrage contre le Pacifique. L'amant est très bien aussi. Ce n'est qu'une simple chronique. Arrêtez de dénigrer votre travail. En tous les cas, ne le faites jamais en public. On verra. Non, alors, ces nouvelles... Ils en sont au deuxième tour. Tout se joue entre vous, Poirot Delpeche et Bernard-Henri Lévy. Oh là là ! La guerre entre le nouveau roman et les nouveaux philosophes. Je vous laisse. J'entends Yann qui rentre. C'est dur, l'attente. L'attente ? Oui, c'est presque comme une douleur. Cette attente de savoir si on va enfin reconnaître mon écriture ? Oui. Oh non. Ça, c'est rien. La vraie douleur de l'attente, je l'ai connue. La vraie, elle étouffe, elle donne envie de mourir. Là, je vous assure que je n'ai rien de tout ça. Alors tant mieux, je vous rappelle plus tard. Avec du concret, s'il vous plaît. Pas de bruit de couloir. Ça va ? C'était votre éditeur au téléphone ? Au début, le texte de l'amant n'était constitué que de légendes pour accompagner un album de photographies familiales. Écrit en 3 mois, il se révèle digne d'une publication. Dès sa parution, à la fin de l'été 1984, c'est un événement. La critique salue une littérature absolue, un livre dont le centre est l'écriture, et pas seulement l'histoire du chinois riche et de la toute jeune fille pauvre. Pour Marguerite Duras, qui a l'impression d'avoir été ignorée au cours de la décennie qui vient de s'écouler, c'est une résurrection, parfois gênante, à cause d'une couverture médiatique démesurée. Une émission d'apostrophe, réservée à elle seule, vient relancer les ventes déjà considérables. On commence à parler du Goncourt. Mais elle est en froid avec le prix qu'elle croit ne pas avoir eu en 1950 avec un barrage contre le Pacifique pour des raisons politiques. Son appartenance au Parti communiste et sa dénonciation du colonialisme n'avaient pas été du goût des jurés. Alors, les Goncourt voleraient-ils au secours de la victoire ? François Nourricier, secrétaire de l'Académie Goncourt, répond en se demandant quel motif pourrait discréditer Marguerite Duras de la compétition. Est-elle trop âgée, trop célèbre pour être couronnée, elle qu'aucun jury littéraire jamais n'a distinguée, demande-t-il. Et l'amant, ne correspond-il pas à la définition du prix donné par le testament d'Edmond Goncourt, le meilleur volume d'imagination en prose? Ça va? C'était votre éditeur au téléphone? Oui. Il n'arrête pas d'appeler. Ils en sont au deuxième tour. Pourrait m'épargner les détails. J'espérais l'avoir au premier tour, à l'unanimité. Duras qui aurait fait l'unanimité. Vous n'y croyez pas vous-même. J'ai des ennemis si précieux. Comment disent-ils? Ah, oui. J'ai inventé le bavardage dans le télégramme et le falbala dans la nudité. Étonnez-vous. Vous donnez une telle image de l'écrivain. Ce sacerdoce, cette solitude, ces sacrifices permanents. À vous écouter, les autres écrivains ne sont que d'éternels amateurs. La majorité. Et vous espériez l'unanimité. C'est quoi ce vin? Une bonne bouteille, si jamais il y a quelque chose à fêter. Rangez-la. Je ne boirai ni vin ni champagne. Pas d'écart au régime prescrit par les médecins, sinon je vais recommencer à boire. Vous avez l'air contrarié. Il vous a dit quelque chose de désagréable, votre éditeur? Non, il m'a parlé d'attente. Et alors? C'est un mot que je ne supporte plus. Quoi? Attendre? Attendre sans rien faire? Vous confondez l'attente et l'ennui. L'ennui, c'est positif. On devrait obliger les enfants à s'ennuyer. Si je ne m'étais pas autant ennuyée face au Pacifique, je n'aurais pas écrit. S'ennuyer, ça enrichit. Attendre, ça détruit. Mais de quoi parlez-vous? De la période où j'attendais le retour de mon mari des camps. Tenez là, sur le buffet. Prenez le cahier beige. Celui-là? Oui. Il n'est pas tout jeune. C'est un des cahiers que vous avez retrouvé dans la maison de Naufle? Oui, dans l'armoire bleue. Il date de 45. C'est un roman? Non. C'est un cahier de guerre. Raconte l'attente. Mon mari Robert Antel m'avait été déporté à Dachau. J'attendais son retour. C'est vrai, cette histoire avec Mitterrand? Quelle histoire? Qu'il aurait empêché votre arrestation par la Gestapo? Oui. On appartenait à son réseau, qui donnait des faux papiers aux prisonniers évadés. On a été dénoncés. Et Mitterrand m'a appelé pour me dire qu'il y avait le feu là où j'étais. Je suis partie aussitôt, et en arrivant dans la rue, il y avait Mitterrand, au milieu du trottoir. Par son immobilité, il m'indiquait où je devais aller me cacher. Tenez, lisez là, ce passage. C'est la fin du monde. Je ne meurs contre personne. J'aurais vécu. Cela m'indiffère. Le moment où je meurs m'indiffère. En mourant, je ne le rejoins pas. Je cesse de l'attendre. Alors, hein, vous voyez l'attente du Goncourt. Vous allez publier ce texte? Oui. Puisqu'il semblerait que je sois dans une période autobiographique, ça doit être l'âge. Mais vous l'avez toujours fait, écrire à partir de vous. Oui, mais pas comme ça. Mon histoire, je n'arrivais pas vraiment à m'y intéresser parce que c'est la mienne. Et puis, je préfère écrire sur quelque chose que je ne connais pas. Au moins, pour commencer. Vous seul auriez pu me dire si mon passé est intéressant, mais plus maintenant. Votre passé m'intéresse. Avant, je me disais, mon passé, c'est demain qu'il commencera. Aujourd'hui, je ne peux plus dire qu'à partir de demain, le temps comptera. Alors, les cahiers de guerre, je vais les publier. Mais ce qu'il y a dedans, ça ne risque pas de blesser certaines personnes ? Oh, on est tous si vieux à présent. Et puis, c'est de moi que je parle. Ce sera un livre court. Je lui ajouterai d'autres textes. Sur cette période ? Oui, je dirai tout. Sur la torture aussi. Vous avez été torturé ? Non, j'ai torturé. Vous ? Mais vous êtes capable de pleurer sur la mort d'une mouche emprisonnée dans du salpêtre ? Je n'ai jamais frappé personne, mais on peut mener un interrogatoire, donner des ordres. Et vous voulez que tout le monde le sache ? Oui. Cela sert à ça, l'écriture. Se trouver dans un trou, au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale, et découvrir que seule l'écriture vous sauvera. Allô ? Bonjour Yann, c'est Jérôme Lindon. Ah oui, je vous passe Madame Duras. C'est Jérôme. Merci. Allô ? C'est bon Marguerite, vous avez le Goncourt. Nourricier vient de l'annoncer dans un brouhaha incroyable. Alors, cette fois-ci, ils n'ont pas trouvé de raison de me le refuser. Troisième tour. 6 voix pour vous, 3 pour Poirot Delpech, 1 pour BHL. Vous avez déjà fait une déclaration ? Oui, j'ai dit que c'était inespéré, mais que l'on n'allait pas fêter ça comme si c'était le 14 juillet. Vous êtes de mon avis ? Tout à fait. Ici, ce sera au plat et rillette. C'est une bonne idée d'être descendu au café. Qu'on ait au moins une heure de répit. Oui. Le téléphone ne va pas arrêter de sonner. Félicitations d'amis, demande d'interview, ça va être la cohue. Bonjour Madame Duras. Monsieur, qu'est-ce que je vous sers ? Jean-Martin, un café allongé pour moi. Un verre de blanc sec, je peux ? Bien sûr, je tiens le coup. Et voilà. Vous avez le Goncourt. Quelle affaire. Ils en auront mis du temps. Je suis sûre que c'est parce que la gauche est au pouvoir. Depuis que Mitterrand est président, tout le monde en fait à sa guise. Même les jurés du Goncourt osent. Allons. Vous savez bien que l'amant... N'en parlons plus. J'ai l'impression que ce livre, je vais en manger jusqu'à la nausée. Voilà. Le café et le petit blanc. Merci, Martin. Madame Duras, le patron et moi, on voulait vous dire chapeau pour le prix. Merci. Non, c'est vrai, c'est mérité. Nous, on voit que vous travaillez dur. Il y en a qui croient qu'écrire, c'est de la rigolade. J'aimerais bien que ce soit ça, écrire, rigoler. Ouais, mais non. On ne peut pas toujours. C'est sérieux, cette affaire. Très. Mais vous, vous l'avez lu, l'amant ? Non, mais ma femme, oui. Elle a aimé ? Elle a pleuré, à la fin. Et puis, elle a commencé à prendre tous vos livres, à la bibliothèque. Elle dit que c'est rude, parfois. Elle a bien aimé un autre avec chevaux dans le titre. Les petits chevaux de Tarquinia. Moi, j'ai vu votre film, Le Camion. Pardon ? Je suis un fan de Depardieu. Je vois tout ce qu'il fait. Et alors ? C'était une grande poilade, votre film. Il se passe rien. Il y a juste le GG et vous qui racontez une histoire. Et puis le camion qui roule dans la campagne. Ça, c'est un truc que vous avez fait avec lui après un déjeuner bien arrosé, non ? Pas vraiment. Ah ben... On dirait, ça fait expérience, plus que film. Et puis cette fille dans votre histoire qui dit toujours que le monde aille à sa perte. Un vrai slogan punk. C'était les années 70. Madame Duras, pour une communiste, c'est pas des choses à dire. Ah, c'est vrai que vous êtes communiste, Martin. Mais vous savez pourtant que ça n'arrivera pas, que ça n'arrivera jamais. Quoi donc ? Les lendemains qui chantent, c'est fini. Martin, je pourrais avoir un autre verre ? Tout de suite, monsieur. Quel numéro ? Je l'aime bien. La dernière fois qu'on a eu une discussion sur le communisme, il voulait connaître les raisons de mon éviction du parti. C'est vous qui avez rendu votre carte ? Non, j'aurais dû. Je savais pour les procès de 33, la trahison de 36. Je n'aurais même pas dû prendre ma carte. Mais c'était pendant la période des cahiers de guerre. On espère toujours que la solution politique va résoudre vos problèmes personnels, mais c'est faux. Alors, cette éviction ? C'est parce que j'avais dit du mal d'Aragon en buvant un verre avec des amis. Vous avez été dénoncé ? Oui, j'ai... Tenez, Madame Duras, j'ai mis un verre pour vous aussi. Faut fêter ça. Je ne peux pas. Oh, et puis vous avez raison. C'est fête. Vous êtes sûr ? Mais oui, ça ira, un verre. C'est quoi ce soupir? À quoi pensez-vous? Au petit frère. Pourquoi maintenant? Vous pourriez vous réjouir au lieu de... C'est cette vue. Regardez. Le gris de la mer se dilue dans celui du ciel. Il n'y a plus d'horizon. C'était pareil dans la baie du Mekong. Certains jours, plus d'horizon, aussi lointain qu'il ne semblait plus y en avoir. Et le petit frère? C'est lui. Quoi donc? Le personnage principal de l'amant, c'est lui. C'est pour pouvoir parler encore une fois de lui que je me suis laissé traverser par l'écriture. Pour pouvoir dire à nouveau ce qu'il était. Pourtant, partout dans les interviews, vous ne parlez que du chinois et de la petite. C'est ce que veulent les gens. C'est l'histoire qu'ils sont venus chercher. Mais je n'écris pas d'histoire. Je ne parle que de moi. Et moi, c'est l'amour du petit frère. Ce n'est qu'un chapitre dans le livre. Parfois, on écrit tout un livre juste pour une phrase. Regardez, Martin, du camion, il n'a retenu que la phrase pour laquelle je l'avais écrit. Et pour l'amant? Ce sont les paragraphes sur le petit frère. Sur l'immortalité? Sur cet amour insensé que j'avais pour cet enfant qui n'a jamais grandi. Il n'était pas un peu autiste? Il avait sans doute des traits autistiques, comme on dit maintenant. Mais à l'époque, un jeune adulte qui lisait à peine, qui ne parlait que de bagnole, c'était juste un simple, un fragile. C'est un mystère pour moi, cet amour-là. Est-ce qu'il aurait pu vivre ici? Là-bas, il était comme protégé? Il en est mort. Pas de soins. 1942, pas d'antibiotiques. L'éloignement entre nous ne comptait pas. Il y avait eu cette enfance libre dans la nature, les mangues mûres, voler à la mer, la chasse aux panthères noires, les baignades dans le rack. On peut nourrir toute une vie amoureuse avec des souvenirs pareils. J'avais tout prévu pour cet amour infini, tout, sauf la mort. Madame Duras, au comptoir, il y a des journalistes qui vous cherchent. Déjà ? Ils ont demandé si c'était pas vous en terrasse. J'ai dit que non, car à Trouville, tout le monde s'habillait comme Madame Duras. Le gilet, les bottines, et ils m'ont cru. Si vous voulez y aller, ils devraient pas vous embêter. Merci Martin, mais va bien falloir que je les affronte. Ils font peur à Marguerite Donadieu, mais la Duras les attend de pied ferme. Le cirque peut commencer. Marguerite Duras et le Goncourt, une histoire en deux temps, de Jean-Benoît Patricot. Avec Jérôme Lindon, Bernard Gabet, Madeleine Renaud, Christine Bruchère, Marguerite Duras, Anne-Élodie Sorlin, Yann Andrea, Jean-Luc Vincent, Martin, Emmanuel Lascar, narration, Mélissa Barbeau. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Martin Delafosse et Lydwin Caron. Assistant à la réalisation, Félix Levacher et Clémence Grosse. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Qui parle maintenant disparue. Toi qui me parles d'elle, de son corps effacé, de ses nuits, de nos nuits, de ce désir-là, de ce désir mort. Chanson. J'avais deux frères et toi, mon père est mort. J'avais 4 ans. Ce qui fait que j'ai été élevée par une femme, avec 2 frères. Et dans des conditions évidemment difficiles, puisque ma mère étant institutrice d'école indigène, nous n'avions pas du tout d'argent. C'était ce qu'il y avait de plus bas dans le fonctionnariat colonialiste. Il disait colonial à ce moment-là. Et ma mère avait l'esprit très aventureux, elle a acheté des concessions qui étaient de très mauvaises concessions. Ce qui fait que mes premiers souvenirs sont liés à cette injustice effroyable qui avait été faite à ma mère lorsqu'elle avait acheté cette concession. Elle l'avait achetée avec 20 ans d'économie. C'était une femme du Nord, fille de fermier, et cet achat s'est avéré nul. C'était des lotissements, vous savez, des tas de terres qui étaient vers le Siam, enfin, c'est au nord-ouest de la plaine des gens. Alors après cette ruine, j'avais 12 ans quand c'est arrivé. Notre famille a connu la misère noire. Et blanche, blanche, pauvre, c'était effroyable. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Marguerite Duras et le Goncourt, une histoire en 2 temps. Notre invité, Laure Adler, biographe de Marguerite Duras. Bonjour Laure Adler. Bonjour. Alors vous êtes écrivain, journaliste, je vais citer quelques dates dans votre parcours parce qu'il est riche. Vous avez été en 1990 chargée de mission à l'Élysée pour la culture avant de devenir en 1992 directrice des documentaires et des émissions culturelles sur France 2. De 1999 à 2005, vous avez dirigé France Culture et vous produisez aujourd'hui l'émission intitulée « L'heure bleue » sur France Inter, du lundi au vendredi, de 20h à 21h. Alors, parmi vos publications, je voudrais mentionner votre livre sur François Mitterrand, intitulé « Journée particulière » chez Flammarion, un ouvrage que je recommande à nos auditeurs s'ils s'intéressent à François Mitterrand. Alors, Laure Adler, nous, on va parler de Marguerite Duras, car vous êtes aussi l'auteur d'une biographie de Marguerite Duras chez Gallimard. Pour le coup, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur Marguerite Duras? C'est une passion, c'est la femme, c'est le style durassien, ou c'est comme souvent, tout en même temps? Je l'ai d'abord lu sans la connaître. Je l'ai d'abord beaucoup aimé, parce que comme pour beaucoup de gens qui sont tombés en Duracie, lire Marguerite Duras, c'est vous donner de nouveau la sensation de l'existence. Moi, je commençais à la lire dans des circonstances très malheureuses pour moi. Et on peut dire que quelquefois, un livre vous sauve la vie. C'est bizarre de le dire, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Et en plus, je ne l'avais pas véritablement souhaité. Cette rencontre est arrivée dans une maison que j'avais louée. Et ce livre était un vieux livre de poche, tout écorné, qui avait manifestement été beaucoup sur la plage, qui avait des pages jaunies, des pages quasiment illisibles à cause des embruns, etc., etc. C'était un barrage contre le Pacifique. Et voilà. Et j'ai recommencé à savoir respirer, à savoir regarder l'aube, à savoir regarder le ciel, à avoir vraiment cette petite, comme ça, cette toute petite lumière qu'on peut avoir à l'intérieur de soi quand on est très gravement déprimé, en lisant Marguerite Duras. Donc ça a commencé comme ça, Duras. Et puis ensuite, après le barrage, je m'étais beaucoup identifiée au personnage de cette jeune fille, qui s'appelle Suzanne dans le bouquin, et à ses différentes métamorphoses, et puis à cette espèce de brutalité devant la réalité. à la fois la réalité coloniale, la réalité de son âge, la réalité du désir des hommes qui tournoie autour d'elle, bref, toutes ces saletés comme ça de l'existence. Et puis je me suis dit, jamais plus, quoi. C'est pas la peine que j'ouvre un autre bouquin de Duras, parce que elle est trop proche de moi, cette figure que Duras a inventée. Pas tout à fait, parce que il y a beaucoup d'échos autobiographiques de la propre vie de Duras à l'intérieur du barrage contre le Pacifique. Mais j'ai quand même essayé. J'ai mis du temps, mais j'ai quand même essayé. Et puis c'est reparti. 10h du soir en été, les petits chevaux de Tarquinia. Et puis j'ai fait partie de ces gens complètement ridicules qui aimaient tellement Duras qui se formaient des petits clubs à l'intérieur de leur tête. C'est-à-dire que Duras, c'est à moi. Duras, c'est à nous. Donc quand elle a eu le prix Goncourt, je me suis dit, oh là là, mais elle va devenir d'une banalité, tout le monde va lire Duras. Donc ma Duras va disparaître. Et donc, au bout du compte, non. Ah. Au bout du compte, j'ai lu L'Amant, j'ai adoré, je le relis chaque année, et pour moi c'est un livre inépuisable. Et que Duras soit à toutes et à tous, parce que je pense que Duras, peut-être que vous aussi vous aimez Duras, mais j'ai l'impression que Duras est et le sexe féminin, c'est quand même une histoire un peu particulière. Mais nous vous incluons dans l'amour de Duras, vous les hommes. Nous vous tolérons. C'est déjà ça. Alors, il y a le propos, évidemment, il y a tout ce que vous dites. Puis il y a l'écriture, parce que chez un écrivain, il y a aussi l'écriture. Eh ben, figurez-vous qu'elle écrivait très mal quand elle a commencé à vouloir devenir écrivain. Elle avait une telle idolâtrie de Faulkner, notamment, qu'elle écrivait comme Faulkner. Et c'est Raymond Queneau qui lui a sauvé la mise quand il a accepté de la recevoir, parce que ses deux premiers manuscrits ont été refusés par Gallimard. Et elle avait dit à son compagnon, Robert Antelme, qui travaillait lui aussi chez Gallimard, qui était copain de Queneau, elle lui avait dit, si toi qui travailles chez Gallimard, t'arrives pas à me faire publier chez Gallimard, je vais me tuer. Donc évidemment, quand on a ce genre de phrase, elle avait été reçue par Raymond Queneau et Queneau lui avait dit, écoutez, vous écrivez mal, mais à partir du moment où vous essaierez de ne pas écrire comme les autres, mais d'écrire comme vous, vos pensées que vous pouvez écrire, à partir des propres sensations et des propres matériaux que vous avez à l'intérieur de vous-même, alors là, on pourra reparler de votre écriture. Alors, on lui a reproché quelquefois une prétention, une très haute idée qu'elle se faisait d'elle-même. Peut-être que c'était une peur, ça, finalement, une défense, comme souvent d'ailleurs, les gens dont on a l'impression qu'ils ont une haute idée d'elle-même. Ben, elle parlait d'elle à la troisième personne, oui, c'est pour ça, hein. Mais bon, il y en a d'autres qui le font, mais je crois que ça s'explique pour deux raisons. D'une part, parce qu'elle se moquait beaucoup d'elle-même. Quand elle parle d'elle à la troisième personne, faut pas prendre ça pour une posture narcissique. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Marguerite Duras, et elle le disait aussi, avait beaucoup de voix, VOX, à l'intérieur d'elle-même, et elle s'identifiait à plusieurs des personnages qu'elle-même avait créés. Et donc, un de ces personnages, c'était Marguerite Duras. Donc, je ne pense pas du tout qu'elle était prétentieuse. Je pense qu'elle était habitée par une multiplicité de personnages et qu'elle-même s'était construite un autre personnage qu'elle-même qui s'appelait aussi Marguerite Duras. Une mise en abîme quotidienne, habituelle, qui faisait partie d'elle, quoi. Alors, arrivée à Paris, elle se marie donc avec Robert Antelme, on l'a évoqué tout à l'heure. Elle habite au cœur de Saint-Germain, rue Saint-Benoît. Elle entame cette vie parisienne. Alors, elle aime séduire. Elle est indépendante, sa liberté de penser est déjà la promesse de sa vie de femme et d'écrivain. Tout ça est très bouillonnant. Vous pouvez nous raconter cette époque-là ? Ben c'est à la fois une époque de désenchantement, à la fois sur le plan politique et intellectuel, et en même temps une période de grande ébullition pour la vie qu'elle préférait, c'est-à-dire la vie de l'amitié. Période de désenchantement parce que elle a été très engagée pendant la guerre. Elle a fait partie du même réseau de résistance que François Mitterrand. Et elle d'où les conversations entre les deux qui ont été enregistrées. Qui vont continuer jusqu'à leur dernier souffle. D'ailleurs, ils sont morts à très peu de distance, comme par hasard. Et donc, cette période de désenchantement politique, elle pensait, comme François Mitterrand, que cette période de la libération et des années qui suivraient serait une période, non pas de réconciliation politique comme l'a souhaité le général de Gaulle, mais de renaissance du politique avec des idéaux de partage. Et puis elle est bien obligée de se rendre compte que c'est pas du tout ça qui se passe. Elle est très en colère et elle met sa colère dans l'écriture. Et là aussi, période de désenchantement, parce que même si elle a des conversations régulières avec Raymond Queneau, ce qu'elle écrit ne plaît pas, et donc elle n'arrive pas à trouver vraiment son rapport à l'écriture. Il va falloir attendre quelques années, et bizarrement et étrangement, le passage par le cinéma et la proposition d'Alain René pour écrire le script d'Hiroshima Mon Amour, qui ne lui était pas proposé à elle, mais qui était proposé à la star et à l'icône des lettres de l'époque, qui était Françoise Sagan, qui finalement a dit non au dernier moment, Alain René, ne sachant plus à quelle sainte, si j'ose dire, se vouer, le propose par défaut à Marguerite Duras. Et c'est donc avec l'écriture d'Hiroshima Mon Amour qu'elle va commencer à prendre confiance en elle et retrouver véritablement sa passion de l'écriture, qu'elle va envisager comme une vocation et comme un métier. Et donc la rue Saint-Benoît, c'est des années où le tout Paris de l'écriture, de la philosophie, du monde politique se donne rendez-vous où ? Eh bien, dans ce deuxième étage de la rue Saint-Benoît, où elle fait quoi ? Deux choses principales, très importantes dans son existence, qu'elle continuera à faire jusqu'à son dernier souffle de vie, la cuisine et la danse. Elle était une très bonne danseuse, et la cuisine parce que il y avait personne d'autre qu'elle qui savait faire à Saint-Germain-des-Prés le bœuf à la vietnamienne, et beaucoup des intellectuels de Saint-Germain-des-Prés venaient à la fois pour boire, danser et manger chez Marguerite. L'endroit où il vous fallait être. Dans le rétro, je regarde si je t'aperçois. Hanoï, Hanoï. Je me souviens, ton visage, ton parfum, tes ruelles aussi. Je te regarde passer, je suis chez toi. Hanoï, Hanoï, tu me retiens. Tes typhons pleurent, tes romains, la pluie des gringole. Autour du lac, j'entends comme des bruits qui résonnent, des vagues de motos. Quelle est cette autre personne? Ton cœur qui klaxonne sous ton regard accroupi. Autour du lac, il y a comme un monde qui bouillonne. Devant moi un tableau, des amoureux se questionnent et ma voix chante, je te reverrai. Dans la chaleur humide sur tes trottoirs, Hanoï, Hanoï, tu me fais voir. Ton sourire, ta vie dehors, tes couleurs aussi. Sous la jungle électrique, je perds mon chemin. Hanoï, Hanoï, je t'appartiens. Sur l'eau verte, tes marionnettes dansent une autre vie. Autour du lac, j'entends. Laure Adler, on se retrouve pour parler de votre passion Marguerite Duras, donc évidemment la littérature, et puis à ces autres espaces dans lesquels et sur lesquels elle est allée, elle a travaillé, le cinéma et le théâtre. C'est quoi votre regard sur l'œuvre Duras, au théâtre d'abord peut-être, et puis au cinéma ensuite? Je pense que c'est un grand écrivain de théâtre. Oui. Et je pense aussi que c'est une immense cinéaste, mais aujourd'hui très méconnue. Mais un jour, on la reconnaîtra à la fois pour ses audaces formelles et pour ses nouvelles écritures scénaristiques. Pour le théâtre et le cinéma, elle disait qu'elle en avait besoin par rapport à la solitude qu'impliquait l'écriture. et que écrire pour elle, en tout cas pour Duras, c'était vraiment une sorte de rendez-vous avec elle-même, obligatoire, mais qui la mettait dans des états. On sait qu'elle a à un moment choisi l'alcoolisme pour continuer à écrire, tellement l'écriture, finalement, comme elle le disait, c'était la descente à l'intérieur de moi-même. Donc c'était une recherche intérieure, quasi métaphysique, qui la mettait en danger et en risque existentiel. Et donc elle avait besoin des autres pour se rassurer, et elle aimait beaucoup les autres. Elle aimait vivre dans les théâtres. Et pour elle, faire du cinéma, c'était, en quelque sorte, dédoubler les personnages qu'elle avait inventés dans ses fictions, dans ses romans, pour pouvoir les faire s'incarner temporairement, pour qu'ils puissent ensuite disparaître, tels des fantômes dans la nuit, les faire incarner par des comédiens ou par des compagnons de vie. Rappelons-le, un des comédiens principaux n'était pas du tout comédien, mais c'était le second compagnon de son existence, Yann Andrea, avec qui elle a passé toute la dernière partie de sa vie et qu'elle a transformé en tant que comédien, à qui elle a trouvé une nouvelle identité, à qui elle a donné ce nom, puisqu'il s'appelle pas du tout Yann Andrea, et qu'elle a métamorphosé. Donc en fait, Duras, c'est quelqu'un qui a un imaginaire très très fécond, qui invente des personnages, mais ces personnages se dédoublent aussi à l'infini. Donc la possibilité de leur donner une existence, vie, voilà, et même une troisième vie, une existence sur le plateau des théâtres et une existence par rapport à sa caméra, permettait finalement la longue durée de l'existence presque réelle de l'invention de ces personnages. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Et quand on regarde l'histoire de la littérature contemporaine du XXe siècle et du XXIe siècle, rares sont les écrivains qui sont aussi cinéastes et écrivains de théâtre. Très rares. Et il peut en sortir, ça peut générer de grandes rencontres. Je pense à sa rencontre avec Madeleine Renaud, c'est dans Des journées entières ça, en les arts. Ça, c'était une passion. Hein. Ouais. Elles étaient très semblables, au fond. Ces femmes qui ont tellement aimé vieillir, ces femmes qui parlaient, soliloquaient à l'intérieur d'elles-mêmes, et tout ce qu'elles disaient, finalement, nous intéresse au combien, parce qu'elles parlent de la solitude, elles parlent des personnages qu'elles inventent, elles parlent de leurs enfances respectives, et finalement, on a l'impression de rentrer dans leurs univers. Et Des journées entières dans les Alpes, c'est un texte absolument magnifique. Et quand vous dites que finalement c'était une cinéaste de talent, qu'on allait la redécouvrir et qu'un jour on lui renverrait ce mérite-là, qu'on la reconnaîtrait, s'il y a un film que vous pourriez conseiller, Le Camion peut-être ou... Alors Le Camion est d'une modernité absolument extraordinaire. Je rappelle quand même que c'est elle qui a fait tourner pour la première fois Gérard Depardieu, par exemple. Hein. C'est un tutoiement avec elle-même par l'intermédiaire de Gérard Depardieu. Mais moi, c'est pas le film que je préfère de Marguerite Duras. Alors, celui que je conseillerais, c'est India Song. Ouais, India Song, parce que India Song, on a l'impression d'être aux Indes, on a l'impression d'être avec Michael Lonsdale et Delphine Seyrig et plein d'autres à l'intérieur d'une sorte de château hanté. C'est entre la musique, la poésie, la répétition, et on est parti très très très très très loin, géographiquement et aussi mentalement. Et finalement, on a rendez-vous avec nous-mêmes. Parce que Duras, ce qu'elle sait faire, c'est inventer des univers imaginaires qui sont très proches des nôtres. Qui nous parlent, bien sûr. Et on a aussi notre place. Parce que je pense que Duras, elle a inventé beaucoup cinématographiquement parlant. Elle a aussi beaucoup inventé au niveau littéraire. Et elle avait beaucoup de parenté, je pense, avec... certains, elle avait la dent dure avec beaucoup d'écrivains de son temps. Il y en avait une qui réchappait à sa violence vis-à-vis des écrivains contemporains. C'était Nathalie Sarraute. Et je pense qu'elle a beaucoup de parenté avec Nathalie Sarraute. Et toutes les deux, elles ont inventé quelque chose. C'est que nous, lecteurs, nous avons notre place à l'intérieur de leurs univers. C'est pour ça que je pense que c'est une lecture de consolation. C'est parce que nous, pauvres lecteurs, nous avons notre place. Elle nous a fait une petite niche. Vous êtes bien placé pour le dire, vous, puisque c'est le premier livre qui vous dites, il m'a sauvé la vie. Donc oui, mais tellement concerné. Mais jusqu'au dernier, elle nous a laissé une place à nous, lecteurs. Elle a pensé à nous. Quel est votre regard sur l'amant? Parce que si on demandait à des gens qui ne connaissent pas forcément l'œuvre de Marguerite Duras, c'est vrai que l'amant, c'est le titre qui vient par réflexe, hein, c'est le plus connu. C'est quoi votre regard sur l'amant? Mais pour moi, il est indissociable du second, qui s'appelle L'amant de la Chine du Nord, qu'elle a écrit après. Et pour moi, il est indissociable aussi de la genèse de l'écriture de l'amant. Vous savez que l'amant ne devait pas être un livre. Au départ, l'amant, c'est une série de photographies que le fils de Marguerite, qu'on appelle Outa, est venu apporter à sa mère en disant « Regarde maman, j'ai trouvé des photographies de toi quand tu étais petite et quand tu étais adolescente. Je trouve que ces photographies sont très belles. Tu devrais écrire des légendes. » Et donc, Marguerite Duras a commencé à écrire ses légendes. Et c'est Yann Andrea, son compagnon, qui voyant que à partir de ces légendes, eh ben, elle commençait à écrire une trame romanesque qui s'apparentait à une mélodie, et on revient à la musique intérieure dans le rythme et la scansion de l'écriture de Marguerite Duras, que Marguerite Duras a commencé à écrire l'amant. L'amant, c'est la rencontre avec la violence de l'adolescence de Marguerite Duras. Moi, je pense, mais c'est très subjectif, donc j'ai pas forcément raison, que Marguerite Duras, par l'écriture de l'amant, a réinventé, à la fin de sa vie, une trame bien heureuse de cette histoire avec le Chinois, pour la rendre acceptable à ses propres yeux, alors que c'était une histoire très violente et très brutale, d'un amour obligatoire, que par la métamorphose des années et la grâce de l'écriture, elle a su, quand elle était devenue une vieille dame, se faire croire à elle-même et nous faire croire à nous lecteurs que c'était une vraie histoire d'amour. Alors dernière chose, question classique, mais enfin incontournable. Quelle place elle laisse et elle tient dans la littérature française moderne pour vous ? Immense. On l'étudie à l'école, on l'étudie à l'université. Moi, il ne se passe pas de semaine sans que des personnes très jeunes viennent discuter, comme ça, dans la rue ou dans une librairie, du bouquin d'un auteur qu'ils ne connaissent absolument pas et qui s'appelle Marguerite Duras, ouais, et qu'ils découvrent. Et pas du tout de manière savante, mais tout d'un coup, ils y découvrent leurs amours de l'adolescence, ils y découvrent leur désarroi de l'existence, ils y découvrent ce dont on parlait en début de cette émission, c'est-à-dire, elle aimait beaucoup Piaf, donc une manière de se consoler quand quelquefois les choses vont mal. Merci infiniment Laura Adler, au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction Marguerite Duras et le Goncourt, une histoire en deux temps. Une fiction écrite par Jean-Benoît Patrick Court, réalisée par Sophie Haute-Picon et Juliette Gou. Émission proposée par Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique Charles Danet.